Chers auditeurs, bonjour. Vincent, au micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 56e émission, nous avons le plaisir de recevoir Gabriel Adinolfi, qui est de passage à Paris et qui nous fait l'honneur de nous rendre visite aujourd'hui. Monsieur Adinolfi, bonjour à vous. Bonjour à tout le monde. Monsieur Adinolfi, vous êtes italien, né à Rome en 1954. Vous êtes écrivain, théoricien du nationalisme révolutionnaire. Vous avez écrit un nombre important d'ouvrages sur la question, en italien, mais également en français. Je citerai pour ces derniers « Nos belles années de plomb », sorti chez les éditions L'Encre en 2004, ou encore « Pensée corsaire », chez la diffusion du Lore en 2008, « Années de plomb et semelles de vent », sorti chez Synthèse Nationale en 2014, ou encore plus récemment « L'Europe », publié chez Synthèse Nationale toujours en 2014. Précisons que vous êtes vous-même un ancien activiste de la mouvance néo-fasciste. Nous allons parler de ça tout de suite, chers auditeurs, mais avant cela, sachez que je suis, comme chaque semaine, accompagné de mon co-animateur Xavier. Xavier, bonjour à toi. Bonjour à tous. Monsieur Adinolfi, pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous présenter votre parcours ? D'où venez-vous ? Brèvement, j'ai commencé à faire de la politique à 14 ans, en 1968. Quand il y a eu, évidemment, en 68 en Italie, qui a anticipé 68 en France, parce que c'est vérifié au mois de mars, et qui a continué longtemps, parce que ça aboutit à une situation de lutte intestine très forte, qui est finie même avec la lutte armée, et qui a duré presque 15 ans. Et je me suis mis du côté de gens qui voulaient tout changer, sans le drapeau rouge. Donc, je participais à les manifestations étudiantines ou la contestation étudiantine du côté qu'on peut appeler néo-fasciste. Donc, il y avait la MSI, le Mouvement Social Italien, le parti néo-fasciste, mais il n'y avait pas que ça, il y avait plein de petites organisations juveniles. Donc, je n'ai jamais participé vraiment à un parti politique, toujours été quand même assez autonome dans ce sens-là. Après, donc, dans cette situation qui a duré longtemps et qui a eu, l'Italie s'était quand même sombrée, même dans une guerre civile assez longue, où il y a eu plusieurs centaines de morts, il y a eu à peu près 6 500 prisonniers politiques et de gens qui ont passé beaucoup d'années en prison, enfin, etc. Et j'ai fondé avec d'autres personnes, à l'âge de 22 ans, j'ai fondé un mouvement qui s'appelle Terza Posizione, donc qui était ni gauche ni droite, mais surtout en fait qui voulait essayer de dépasser le clivage de Yalta et qui prenait à l'avance sur beaucoup d'avance dans l'histoire la logique des autonomies locales, du fait que les peuples, les gens pouvaient se réapproprier d'un pouvoir direct sans besoin non plus de faire la révolution institutionnelle. Et ce mouvement a été quand même écrasé par toute une répression globale qui s'est vérifiée en Italie. J'étais l'objet d'un mandat d'arrestation pour des condamnations que j'ai eues après, que c'était tout à fait idéologique. J'étais aussi ciblé par les services secrets italiens, français, américains, qui ont essayé de me coudre parce que ça n'a pas marché pour trois fois. Quelque chose sur la piste sur le massacre de Bologne, c'est un massacre où il y a eu 86 morts, qui a été commis, d'après coup, maintenant on le sait, a été commis par des gauchistes, à l'air insu, parce qu'ils ont été sacrifiés par un service secret que personne ne veut, que tout le monde a peur de nommer, dans toute une histoire de guerre intestine en Italie, sur la Méditerranée. Je passais 20 ans en cavale. Quelques temps même en prison, 20 ans à cavale, la plupart de ce sont là en France. Je suis rentré en Italie début 2000, j'ai continué mon engagement politique et surtout métapolitique dans plusieurs milieux et j'ai fondé un centre d'études en Italie, Polaris, un centre d'études à Bruxelles, Europe. J'ai fondé un groupe qui s'appelle l'Inskene qui sert pour renouveler la pensée et la formation et je suis en train de faire beaucoup de choses dans le sens justement de renouvellement de la pensée et de création de réseaux économiques et sociaux en Europe. Alors, suite à l'attentat de Bologne, vous l'avez dit, vous avez fui l'Italie. Pourquoi avoir choisi la France ? Parce que je parlais français. Et parce que quand j'étais petit, mon père me lisait Dumas. Et voilà. L'humanité. Dumas. Dumas, d'accord, Dumas. Et en plus, bon, parce que t'es prêt. Il n'y avait pas l'international noir dont on parle. Je l'ai créé moi-même, c'est-à-dire c'est des amis que j'ai connus. Parce qu'en fait, à différence de l'international rouge qui était à la fois communiste, trotskiste, qui pouvait encore jouir de tout un ensemble de réseaux nés pendant la guerre, etc. La fameuse l'international noir dont on parle dans un roman, c'est complètement absurde. On dormait, moi je dormais dans des canapés avec des gens inconnus qui étaient amis d'amis, et enfin c'était nous n'avons jamais eu de structure. Alors est-ce que vous pouvez rappeler pour les auditeurs la portée de l'attentat de la gare de Bologne? C'est grosso modo, alors la portée à niveau de mort c'est 86 morts, alors qu'ils ostinent à dire 85 pour cacher C'est l'équivalent de l'attentat de Nice en termes de... C'est l'équivalent de l'attentat de Nice à niveau de nombre, mais vu la façon dans laquelle il a été fait, on peut le comparer, pas au Bataclan, mais on peut le comparer par exemple aux attentats qui ont eu lieu en France en 1994, je crois, où il y a eu la Métro Châtelet. Voilà. Et est-ce que vous voyez un lien ou en tout cas une similitude de situation entre la guerre civile italienne que vous évoquiez et la vague d'attentats qui s'est produite récemment en France? Des analogies forcément, mais il y a plus que des analogies, parce que contrairement à ce qu'on imagine, toute la guerre civile italienne, au moins d'un côté, est née, s'est formée sur tout un réseau existant un peu partout, en particulier en France, mais pas qu'en France, et existant dans diverses régions italiennes qui remontaient à la guerre, à la Seconde Guerre mondiale, et dans lesquelles on a vu des accords de permis de services secrets différents et diverses, qu'on s'étonne de voir travailler main dans la main. Et toute la même structure, on n'a pas changé. Donc la structure qui a, disons, profité et une partie manipulée de la guerre civile italienne, elle est quelque part, elle est tout à fait mouillée dans le djihadisme aujourd'hui. Alors, puisque Xavier aborde le sujet de la France, est-ce que vous diriez qu'en France, aujourd'hui, vous observez les germes de la guerre civile? Ça, c'est pas si simple que cela. Je vous explique pourquoi. Parce que aujourd'hui, entre cette date et la date actuelle, il y a eu un passage fondamental, qui est l'événement des satellites. L'événement des satellites a changé tout dans la nature humaine, et tout dans les rapports humains, tout dans la possibilité de la mentale et de la même de la hypnose. Alors, je pense qu'il faudra encore attendre du temps pour comprendre que l'événement des satellites est encore plus important que l'événement de l'énergie électrique dans le changement de la société humaine. Donc, je crois que dans ce genre de choses, on se trouve plutôt dans la logique qui avait été écrite parfaitement par Eric Werner. Donc, de guerre civile, oui, mais guerre civile très particulière. Donc, la terreur est utilisée sans besoin qu'il y ait une participation collective autre que dans la hypnose. Donc, je pense qu'il est probable qu'on n'arrive pas à la guerre civile telle que beaucoup de gens pensent. Et puis, c'est d'autres échelles. Par exemple, en Italie, un président du Conseil avait été assassiné. Oui. Je pense à Aldo Moro, ouais. Par exemple, si vous pouvez... Il n'était pas le président du Conseil. Hein. Il devait devenir. Il était le président de la démocratie chrétienne. Il devait devenir le président du Conseil quelques jours après. Oui, alors Aldo Moro, c'était un personnage de la gauche démocratique chrétienne. Et lui, il a été tué en 1978 par les Brigades Rouges, en fait par le côté des Brigades Rouges qui était lié à l'école Hyperion qui se trouvait à Paris et qui était lié à d'autres réseaux assez sombres. Et simplement, il a été tué pas pour les raisons de laquelle on parle tout le temps, parce que il n'a pas été tué parce qu'il voulait l'alliance avec les partis communistes, qui s'est fait du reste après, et qui s'est fait du reste même davantage avec son meurtre. Lui-même l'explique aux Brigades Rouges quand il est prisonnier, je ne dérange pas à cause de ça, je dérange à cause de la politique étrangère. Et en fait, Aldo Moro dérangeait pour la politique étrangère en Méditerranée, et qui avait mis l'Italie en état de guerre réelle, parce qu'ils se sont même tirés dessus, avec la France France, l'Angleterre, Israël. Il était mal vu par Kissinger, il était mal vu par les Russes, parce que les Russes aussi craignaient de perdre l'emprise sur le Parti communiste. Et au gouvernement, à ce moment-là, à la tête de l'Italie, il y avait la loge P2 qui répondait pratiquement aux États-Unis et qui avait pris la tête de tous les services secrets. Donc, en fait, c'était une grande mise en scène situationniste faite par l'élite dominante, mais c'était une séquestration organisée carrément par tout le monde, où Aldo Moro a joué. C'est la victime mise en scène dans un scénario particulier, mais ils avaient contre lui tous, contre les Anglais, les Américains, les Israéliens, les Français, les Russes. Et les services secrets de ton pays, ça va être difficile de s'en sortir. On prête beaucoup à la loge P2, elle a officiellement disparu au début des années 80 avec un procès retentissant. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'elle est toujours active, ou en tout cas que les réseaux de la loge P2 sont toujours actifs? Je pense que la loge P2 peut-être n'est plus active, mais on s'est dépêché d'essayer de démontrer que la loge P2 était complètement autonome de Grand Orient, ce qui est complètement faux. Alors, la loge P2, c'était quelque chose qui, d'une certaine manière, faisait partie d'une guerre intestine aussi de la classe dominante de la loge dominante. Donc, c'était les parvenus et qui se sont fait après éliminer en tant que parvenus. Donc, nous assistons aujourd'hui à l'événement de parvenus, parce que Berlusconi est un parvenu, Trump est un parvenu, Netanyahu même est un parvenu. Donc, disons qu'à l'époque, une fois que les choses ont changé de route, parce que la loge P2, de toute façon, contrairement à ce qu'on raconte, étant une loge américaine et liée à la Gladio, était une loge pro-communiste et pas anti-communiste, en ayant changé la direction des États-Unis à partir de 79, et la loge P2 a perdu sa propre emprise, et elle a été lâchée peut-être par ses propres maîtres, parce que ils n'avaient pas, c'était pas tellement contents que de parvenus puissent prendre leur place. Alors, vous évoquiez tout à l'heure Trump. Justement, quel regard portez-vous sur la montée des populismes à travers le monde? Est-ce que l'élection de Trump, pour vous, est une bonne nouvelle? Alors, pour moi, il n'y a aucune montée des populismes dans le monde, franchement. Malheureusement, c'est une leurre. Alors, si j'étais américain, j'aurais voté Trump. Si j'étais russe, j'aurais voté Poutine. Si j'étais anglais, j'aurais voté la Brexit. Si j'étais israélien, j'aurais voté Netanyahu. Mais je ne suis ni américain, ni russe, ni anglais, ni israélien. Donc, je vois la chose de mon côté. Alors, de côté des intérêts européens, je dis que c'est pas bon, parce que l'idée hypothétique que Trump se mette d'accord avec Poutine, donc que les États-Unis se mettent d'accord avec la Russie. C'est ce qu'il a annoncé. C'est ce qu'il a annoncé. C'est ce qui est le pire de scénario que nous puissions voir. Parce que mon scénario, c'est que les Américains et les Russes soient en tension. Mon scénario, que l'Europe puisse avoir une relation avec la Russie. Pas que la Russie et les États-Unis puissent avoir une relation contre l'Europe. Donc, personnellement, je ne suis pas hyper content. Parce que, justement, je ne suis pas américain. Donc, je vois ça plutôt comme un danger pour mon avenir futur. Mais bon, ça, c'est une hypothèse. Mais pourquoi, excusez-moi, précisez votre pensée, pourquoi une baisse des tensions entre la Russie et les États-Unis conduirait, selon vous, enfin, serait dirigée contre l'Europe? Parce que je lis ce qu'il est, quand c'est le Foreign Relations écrit tout le temps, c'est le CFR, c'est le think tank qui gère la politique américaine et qui produit les administrations américaines. Et ça fait quelques années qu'ils ne font que sortir de documents dans lesquels ils expliquent quelle est la politique américaine. La politique américaine, c'est dirigée contre l'entente entre l'Allemagne et la Russie. C'est dirigé en particulier contre l'Allemagne. Et dernièrement, ils ont décidé l'année dernière, ils ont proposé l'édification de la création d'un éclatement dans la cohésion européenne en promouvant trois centrales qui pouvaient encercler l'Allemagne. D'un côté, la Pologne, ce qui est fait. De l'autre côté, l'Italie et la Grèce sous contrôle israélien, ce qui est fait. Troisième côté, c'est la France qui est peut-être en train d'essayer de faire par Fillon pour tout éclater. Alors, à ce moment-là, vu que nous sommes dans une situation de concurrence globale sur toute la planète, le fait que les Russes, les Américains, les Anglais, les Israéliens se mettent d'accord, ça veut dire que les perdants, ce seront nous. Ce sera nous. Il faut qu'ils ne se mettent pas d'accord. Donc pour moi, c'est pas, je ne suis pas content. Je préfère la Clinton, pas parce que je préfère la Clinton, parce que je préfère qu'il y ait la tension. Parce qu'il y a la tension entre eux, on peut trouver des alliés. Si on n'a pas la tension entre eux, on va revenir à 46-47, avec la différence que nous sommes envahis et que nous n'avons plus de change à cause de la démographie. Donc la situation est très mauvaise. Mais pourtant, jusqu'à maintenant, les États-Unis étaient dans cette stratégie de tension avec la Russie, et on voit bien que ça n'a pas profité au peuple européen. Mais c'était pas vrai, parce qu'en fait, les États-Unis n'ont pas tenu la stratégie de tension. Là, on confond beaucoup. Ce sont les Anglais qui ont tenu la stratégie de tension. Les Russes ont toujours joué avec les Américains, pas toujours, dans les dernières 5 ans, Poutine a joué avec les Américains, surtout Lavrov, en essayant de trouver une reconnaissance à niveau d'importance dans la gestion mondiale multipolaire. Et Obama a toujours joué en faisant sembler que oui, en faisant sembler que non, que oui et que non. Il a joué un peu de façon élastique. Donc, il n'y a pas eu la tension entre la Russie et les Américains. Ça, c'est plutôt c'est notre perception. Mais dans les faits réels, il n'a jamais eu. Bah dans les faits réels, il y a quand même ce conflit en Syrie où là, les intérêts américains et russes étaient clairement divergents. Bah, je ne suis pas d'accord. Où est-ce qu'on dirige parce que n'oublions pas que l'espace aérien est concordé ensemble. Il y a un commandement radio sur qui est géré ensemble. N'oublions pas que les Israéliens donnent souvent les données aux Russes, aux Américains, ou frapper ou ne pas frapper. Les grandes divergences, en réalité, se jouent pas entre les Russes et les Américains, se jouent entre les acteurs mineurs qui se trouvent là-bas. C'est-à-dire, puisque tout le monde a joué par des acteurs interposés, des jihadistes différents, et les armées. Mais c'est pas leurs armées. Donc au moment où ils doivent, moi américain, moi russe, moi anglais, c'est pas important. Je dis à mon jihadiste, il faut que tu laisses Alep ou il faut que tu laisses, il dira non. Donc pour l'instant, ils n'arrivent pas à trouver vraiment la solution. Et sans oublier pas qu'il faut pas oublier non plus que l'importance de l'intervention turque dans la chose. Je vois pas tellement la divergence réelle entre les Russes et les Américains là-dedans. Par exemple, si sur un autre continent, l'Amérique du Sud, là, les intérêts chinois et russes sont clairement contraires, opposés à ceux des Américains. Et d'ailleurs, l'assassinat de Chavez marque le début d'une nouvelle époque où le continent sud-américain va repasser sous contrôle nord-américain. Oui, encore là, c'est tout à voir parce que il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais ceci, l'Amérique latine, c'est déjà un autre scénario. Il ne faut pas oublier que rien n'est cartésien dans toutes les relations. Les choses se passent différemment. L'Asie, par exemple, en Europe, jouait la carte gauchiste et en Amérique, jouait la carte droitiste. Donc, Amérique latine. Sauf Cuba. Parce qu'à Cuba, il ne faut pas oublier que l'Asie a quand même appuyé Castro. Donc, je veux dire, quand on parle d'intérêt des puissances, les choses sont beaucoup plus plus mélangées, intriquées que de ce qu'on imagine. Et franchement, j'aurais préféré la Clinton parce que ça aurait peut-être remis les choses, ça aurait relancé peut-être la possibilité de la fameuse alliance provisoire qui s'est passée en 2001 et 2008 entre la France, l'Allemagne et la Russie, et ce qui a mené même l'Union européenne à appuyer la Russie contre la Géorgie. Maintenant, la situation a changé. Je pense pas que ça. Je suis pas. Enfin, ça dépend qu'est-ce qu'on cherche dans la vie. Mais moi, je cherche pas un nouvel ordre mondial multipolaire. Moi, je cherche d'être libre moi. Mais ce scénario dont vous parlez aurait pu fonctionner si et seulement si, en France, en Allemagne et dans cette alliance dont vous parlez, les peuples avaient choisi, par exemple, Marine Le Pen. Parce que là, avec le gouvernement actuel, votre... Je ne crois pas tellement au gouvernement. Parce qu'en fait, ce qui fait les alliances aujourd'hui, malheureusement, ce sont les industriels. Donc, ce sont les rapports économiques. Par exemple, il ne faut pas oublier que malgré les sanctions à l'Est qui ont été voulues par les Américains, mais que les Américains ne le concernent pas. Les Américains ont augmenté les exports en Russie, mais même les Allemands ont redoublé leur investissement souvent avec en Russie. Donc je veux dire malheureusement dans l'état actuel, surtout dans des pays comme le nôtre qui n'ont aucune souveraineté politique, ce sont pas les présidents qui font la politique, ce sont d'un côté les bourses et les services secrets, de l'autre côté c'est les industriels. Et donc je pense que les possibilités pour relancer la situation telle qu'elle était jusqu'en 2008, elle est toujours vivante. Alors, plutôt que de parler de montée des populismes, vous avez parlé de montée des parvenus et vous avez cité donc Trump et Berlusconi. Est-ce que l'Italie, en ça, n'a pas été précurseur dans l'avènement de ce type de personnage? Oui, l'Italie est toujours... je ne sais pas si c'est pour deux raisons. Pour quelles raisons c'est le cas? On peut dire que c'est à cause du génie italien, on peut dire au contraire que c'est à cause du fait que l'Italie n'a aucune importance stratégique, donc on peut le faire. Mais l'Italie, c'est toujours le Kobe où tout se manifeste à l'avance. Le populisme s'est manifesté beaucoup à l'avance. Berlusconi l'a interprété, il l'a pas créé. L'Italie a eu l'avènement du populisme était de 93-94 en Italie, donc alors que toujours hier ça se passe différemment. Et alors le grand problème, vous savez, je disais, c'est un petit peu en l'air la montée du populisme, c'est parce que on assiste aujourd'hui à quoi? À un phénomène très intéressant qui d'après moi est très mal interprété. Alors le phénomène intéressant, c'est que la classe dirigeante a perdu. Alors déjà, la politique, la souveraineté réelle aujourd'hui est donnée par les satellites, comme je disais. Donc c'est une hypnose d'un côté et c'est de l'autre côté, ce sont les possibilités de changement sociologique et économique. Sans compter que nous allons malheureusement de plus en plus dans le laboratoire vers la création d'un homme nouveau biochimique et électronique. Donc on ne sait pas quel sera l'avenir de l'humanité. Alors, le pouvoir politique est de moins en moins important. La classe politique est obligée de faire une chose depuis longtemps, c'est de raconter une histoire. Parce qu'en fait, c'est la tenue de l'ensemble est donnée par la fable qu'on raconte à l'enfant. Le problème, c'est que dans cette évolution, entre guillemets, nous avons eu et nous assistons à une baisse culturelle, une baisse de toutes les valeurs dans l'ensemble humain. Hein, et donc, la classe dirigeante, surtout la politique, qui est la moins importante, parce que les plus importants font autre chose, et ce sont disons, les imbéciles, grosso modo, de la bourgeoisie qui s'occupent de la politique, est de moins en moins capable. Alors, ils ont inventé les politiquement corrects, parce que ne plus étant capable de chanter et de faire danser quand ils chantent, ils ont commencé ils sont passés au dogme. Ça veut dire qu'ils sont en difficulté. Ces dogmes ne marchent pas parce que les gens sont effectivement en désarroi. Donc, nous avons une négation populaire de cette classe dirigeante. Mais à l'intérieur de cette classe dirigeante, il y a les parvenus, lesquels sont simplement moins cultivés et plus vulgaires que les autres. Et ces gens moins cultivés et plus vulgaires qui sont en train de prendre la place risquent de dire et raconter une histoire plus apte aux gens. Mais le fait qu'on change, très souvent, on prend souvent le vulgaire pour les populaires. Et le vrai problème, c'est que dans l'ensemble, c'est bien rare de trouver des oppositions réelles de valeurs et de projets. Donc, en fait, on risque simplement de changer la peinture de la maison qui reste exactement la même. Parce que si on regarde la plupart des populismes nationaux, non seulement on voit qu'ils sont basés très superficiellement sur une totale absence de connaissance, de connexion du monde actuel et de l'évolution, mais leur recette, souvent, c'est le libéralisme absolu. C'est-à-dire, alors, c'est vrai que la fiscalité, il y a beaucoup de choses à dire contre la fiscalité, mais ce n'y a pas que ça. Je veux dire, les grands projets d'avenir qui viennent du côté populiste, franchement, je ne suis pas tenté de les suivre. Mais cela dit, Berlusconi a été extrêmement diabolisé en France, malgré son adhésion à un certain agenda, je pense par exemple à la guerre en Irak, alors que par exemple Nicolas Sarkozy, qui a incarné exactement la même vulgarité, n'a jamais été diabolisé de cette façon-là. Pour lire les choses simplement, on n'a jamais dit que Nicolas Sarkozy était fasciste. Oui, parce que c'est pas lié avec le Front National, alors que Berlusconi c'était lié avec l'MSI. Voilà. Donc je veux dire. Non, puis les jeunes Romains faisaient des saluts romains justement sur les Vespa le soir de son élection. Les images avaient fait le tour du monde. Non, c'est pas le jour de ses élections. C'était la campagne électorale d'un petit parti qui s'appelle la Viamma. Donc on a un peu mélangé. Mais lui, il n'a rien à voir là-dedans. Mais attention, moi j'ai toujours donné grosso modo un bilan assez positif de personnage Berlusconi. Je pense qu'il est beaucoup plus intéressant que la plupart des leaders de l'extrême droite nationale populiste aujourd'hui. Je ne sais pas, je ne veux pas le comparer avec Trump, parce que bon, je ne parle pas le langage yankee, puis je lis que les choses qui sont traduites. Et de toute façon, il faut encore le voir à la nation. Mais je veux dire, Trump, il y a deux possibilités. Soit il est un très bon président, soit il est un très mauvais président. J'espère qu'il soit un très mauvais président, parce qu'il est un très bon président, il fait des intérêts des États-Unis qui ne peuvent pas être les miens. Sur Berlusconi, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que son œuvre principale dans le peu de marge de gouvernement qu'il a pu avoir n'aura pas été de protéger justement le peuple italien de la mondialisation ? Je ne sais pas trop, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que ces télés privés, ce sont des télés privés très américains. Donc je pense qu'il a plutôt que ceci, il a essayé de garder une certaine place italienne dans la mondialisation. Je m'explique. Dans l'après-guerre, l'Italie, qui a perdu toute souveraineté, a très souvent joué l'alliance particulière avec les États-Unis et la Russie en même temps, contre les Anglais, les Français, les Israéliens, pour sauvegarder une place d'autonomie vassale, si on peut dire ça. Et je crois que Berlusconi a essayé de traduire ça dans l'actualité, avec quelques passages en plus, parce qu'il a prétendu quand même se mettre presque au niveau de... humainement, on l'était peut-être, mais d'un point de vue du poids, peut-être pas, au même niveau de Poutine et d'Erdogan. Et en tout cas, le problème de Berlusconi, c'est qu'il a eu contre tous ceux qui n'étaient pas parvenus, qu'il a eu contre tout l'appareil du Parti communiste, parce que c'est lui qui l'a empêché d'aller au gouvernement, et qu'il a eu contre l'Église, au moins les évêques, quand il a fait quand il a bloqué l'immigration de la Libye. Donc, ça fait beaucoup de choses. Et la magistrature. Et la magistrature, oui, la magistrature va avec ces partis communistes. Et la technocratie. Et il ne faut pas oublier encore un élément. C'est dans ce sens-là, je pourrais être peut-être content de la victoire de Trump si les choses se répètent de cette manière. Ça dépend aussi de quelle administration américaine qui est en place. Quand l'administration américaine en place est la démocrate, la gauche italienne, le parti démocrate italien, ancien parti communiste, etc., a les mains libres pour tout faire. Donc, tous les grands renversements négatifs en Italie ont eu lieu pendant qu'on y avait un président démocrate américain. Alors, justement, concernant Trump, pour prolonger votre pensée, vous disiez tout à l'heure que c'était donc un parvenu, si j'ai bien compris, quelqu'un qui est plus vulgaire que les autres, que son opposition au système était en quelque sorte une opposition de façade. Mais malgré tout, Trump, c'est un milliardaire qui n'a pas la dépendance financière à l'égard des grands trusts et de l'establishment, comme l'avait Hillary Clinton. De ce point de vue-là, ce n'est pas uniquement de façade. Il a une réelle indépendance économique à l'égard du système. D'accord. Non, mais j'ai déjà dit que si j'étais américain, j'aurais voté Trump, sans aucune question. Et quand je parle de parvenu, je ne le dis pas ça avec le même mépris que, je ne sais pas, un Bernard-Henri Lévy peut utiliser. Il ne faut pas confondre. Oui, ça c'est vrai, mais la question, je pense que c'en est une autre. Je ne crois pas du tout à la démocratie. La démocratie est toujours quand même au moins un grand parti manipulé. Nous parlons du centre de l'Empire. Et qu'au centre de l'Empire puisse y avoir une révolution, c'est-à-dire une révolution intestine, un changement de caste, c'est possible. Mais qu'il puisse y avoir une révolution, c'est impossible. Je veux dire, il ne devient pas président de la République pour faire après une révolution. On fait une révolution dans un cas de ce genre. Donc je crois simplement que Trump va essayer de redonner... enfin, je ne pense pas qu'il va changer énormément les choses. On parlait de la fable qu'on raconte. Les progressistes racontent une fable, tout va bien dans le monde, nous sommes les plus gentils, tout en jetant le napalm. Évidemment, les Américains ont besoin de voir maintenant peut-être quelqu'un qui avec le chant de Wagner et le foulard sur le cou, de son de l'hélicoptère, comme dans la Apocalypse Now. Donc, ils ont besoin que le raconte que soit donné, ce soit un raconte plus plaisant pour le pionnier américain qui va tuer des peaux rouges. Je pense que c'est ça l'imaginaire qu'on va transmettre. Et bon, je me trompe peut-être, j'espère bien de me tromper. Alors, vous dites que vous ne croyez pas en la démocratie, et malgré tout, moi, j'ai un exemple qui a plutôt donné lieu à effectivement une révolution, c'est-à-dire un homme qui a été porté au pouvoir démocratiquement à la suite d'un coup d'État raté, c'est Hugo Chavez. Quel regard portez-vous justement sur ces populismes sud-américains qui pourraient finalement vous donner tort ? Je dis que simplement, ces populismes sud-américains dépendent beaucoup du changement du coût du pétrole et d'une politique d'assistentialiste, enfin de spéculatrice sur les prix du pétrole, dans sa montée et dans sa descente, et que les Américains n'ont pas arrêté quand même de trafiquer un pétrole avec le Venezuela. Donc, je pense que par exemple, j'ai quand même une bonne impression de Chavez en soi. Je n'ai aucune, j'ai une très mauvaise impression de Maduro, par contre. Mais cela dit, je pense que ce sont des épiphénomènes qui profitent des situations. Mais il n'y a pas une vraie révolution derrière. Je veux dire, c'est un peuple qui, tout d'un coup, à cause d'une improviste hausse de sa rente, a eu la possibilité de faire des choses, et que dès que la rente s'est baissée, n'a plus eu la possibilité de faire la chose. Et quand, excusez-moi, et quand la, puis je ne vois pas quelle révolution a été faite en réalité. Au Venezuela, dans l'intérieur, on a eu, si vous voulez, un autre pôle alternatif, parce que pratiquement on a fait de Chavez le deuxième Castro, un pôle alternatif au Foro São Paulo, parce qu'en fait ce Foro São Paulo, on ne tient pas tellement pas toujours, parce que quand même n'oublions pas que ils parlent portugais, les autres parlent latin, enfin parlent espagnol, donc c'est pas la même chose. Donc je pense que je ne pense pas qu'il y ait eu une révolution. Je crois que les révolutions qui ont eu lieu démocratiquement, il y en a quatre. Et si on va regarder les quatre, alors, les quatre sont les suivantes. Allemagne, Italie, Argentine et France. Je ne vois pas d'autres. Alors, l'Italie, c'était après une guerre mondiale, après une guerre civile, avec un vide de pouvoir. Et c'est une fois le pouvoir pris que les élections ont donné raison. L'Allemagne, c'est peut-être la seule où il y a eu vraiment un changement démocratique avec Adolf Hitler, mais c'était dans un endroit où quand même il y avait une vide de pouvoir complet. Le troisième, l'Argentine, c'est quand même à cause d'un coup de force, parce que s'il n'avait pas Evita qui avait fait marcher les escamisados sur Buenos Aires, ça n'aurait pas eu la possibilité de le faire. Et en France, De Gaulle, c'est à la suite d'un coup d'État. Alors, vous parliez de Perón pour l'Argentine. Oui, vous parliez de Perón pour l'Argentine. Donc, je vais dire, c'est toujours un mélange de choses. Mais pour qu'il y ait quelque chose de pareil, il faut avoir au moins une absence de pouvoir. Aujourd'hui, nous n'avons aucune absence de pouvoir. Aujourd'hui, le pouvoir est très fort. Nous avons des crises de classe dirigeante, des crises de société. Donc, tout se joue dans la comédie. Alors, quelle comédie comment on joue la comédie ? Alors, je peux préférer une comédie à une autre, un comédien à un autre, un dramaturge à un autre, mais il faut savoir qu'on reste prisonnier de la comédie, sauf si on s'approprie de l'autonomie. Donc, la possibilité de se gérer soi-même, à tous les niveaux, au petit niveau, déjà au niveau des communautés, des niveaux de... je fais un exemple, un des éléments qui paralyse notre économie, ce sont les règles de Bâle qui empêchent que les banques donnent de l'argent aux gens qui en ont besoin. Par contre, nous avons plein de catégories productrices qui sont paralysés à cause de leur manque de l'argent, il suffit qu'ils se mettent d'accord pour cotiser, pour créer une financière, et une fois qu'ils ont créé une situation financière, elle aurait les critères pour pouvoir se faire financer par les banques, et on pourrait tout seul, avec une organisation sociale coordonnée, on pourrait contourner les problèmes qui paralysent. Si on attend, par contre, qu'on change les rapports de force, alors il faut espérer d'avoir déjà une prise économique et politique importante. Donc il faut déjà faire partie d'un pays qui fait globalement partie d'une façon importante de la caste dominante. Et c'est pour ça que je dis, j'ai l'impression que les héros du nouveau populisme auquel on regarde dehors de l'Europe, ce soit simplement ceux qui sont en train de recréer la classe dirigeante sans nous. Alors, monsieur Adinolfi, vous vous dites fasciste. Ouais. Pour nos auditeurs, s'il vous plaît, pour clarifier ce terme, puisqu'en France, ce terme est très, je dirais, galvaudé, omniprésent, d'ailleurs, dans le débat politique, puisque c'est, si vous voulez, le terminus de ce qu'on appelle le point Godwin, c'est-à-dire quand une conversation tourne en rond, ce terme arrive en général. Mmh. Alors, pour nos auditeurs, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez définir ce concept de fascisme ? Qu'est-ce qu'un fasciste ? Qu'est-ce qu'un fasciste ? C'est un problème, c'est une question éternelle qui n'a jamais été éclaircie parce que peut-être que Mussolini a bien dit, a donné la définition parmi les autres, la principale, quand il a dit le fascisme, c'est l'église de toutes les hérésies. Donc c'est l'absence du dogme. Donc c'est, on revient à la question que je disais, c'est aussi d'être des parvenus, hein, attention, parce que je n'utilisais pas le terme d'un point de vue négatif, c'est de se faire soi-même. Évidemment, sur une structure mentale et sur une colonne vertébrale. Mais c'est de ne pas de se libérer de toutes les chaînes pour s'affirmer dans sa propre dignité, dans sa propre liberté. Le fascisme, évidemment, est démonisé comme terme déjà pour deux raisons. D'abord parce que Staline a choisi... D'abord parce que c'est l'originel. Par la suite, parce que Staline a choisi d'utiliser le terme fascisme contre tous les groupes d'extrême droite, parce que, comme souvent dans ces groupes d'extrême droite, il y avait le mot socialisme. Il voulait être avoir le monopole du nom socialisme, donc ils appelaient de fascisme tout le monde, les nationaux-socialistes, les croix fléchées, peu importe. Et de toute manière, il est condamné parce que pour plusieurs raisons, parce que il a perdu la guerre et parce que l'alliance contre le fascisme a permis de mettre ensemble de côté des éléments différenciés qui se retrouvent tranquillement facilités dans l'être ensemble contre un bouc émissaire. C'est une logique assez vieille qui date depuis l'histoire de l'homme, qui dans la modernité se vérifie comme ça. En revanche, il y a une différence importante, c'est que le fascisme en Italie a duré 22 ans et que dans tous les domaines a fait tellement de choses intéressantes que la perception en Italie, hormis les fascistes, la perception en Italie des Italiens est moins péjorative qu'en France. Non, c'est pas que moins péjorative qu'en France, c'est souvent positive. Voilà. Donc l'imaginaire est bien différent. Non mais ça c'est très intéressant, justement quand vous êtes arrivé en France et que vous avez vu ce terme utilisé, en plus vous êtes arrivé dans les années 80-90, où alors là vraiment c'était le rouleau compresseur. Non mais c'était pareil en Italie simplement, parce que ces moments-là, justement on était en plein stratégie de la tension et en plein stratégie américaine sur laquelle les communistes devaient prendre le pouvoir. Et c'était exactement le même en Italie, simplement la question c'est l'effet... Et pas les mêmes, parce que quand on parle du fascisme en France, logiquement, les gens ont dû penser, c'est peut-être à l'occupation allemande. Et quand on parle du fascisme en Italie, c'est tout à fait surtout à l'époque, ça a fait autre chose. Il y a parmi les grandes, chanteur. Oui, et qui fait la chanson aussi, auteur de chanson. Composer, ouais. Hein? Auteur. Auteur de chanson et dramaturge, etc., de sang gauche, et Giorgio Gaber, qui a écrit une chanson à Mon oncle fasciste. Parce qu'en fait, je veux dire, en Italie, et je veux dire, encore davantage, quand j'étais gosse, j'ai rencontré des communistes qui parlaient très bien de Mussolini. Donc, ça passait moins, parce qu'on peut raconter toutes les horreurs qu'on veut, mais les gens s'en souviennent que les choses s'étaient passées. Mais il y a encore d'autres. En Italie, il y a des endroits qui ont été sous les Allemands, on peut dire. Ce n'est pas vraiment le cas, parce qu'on les a appelés nous-mêmes. Mais bon, ils sont sous les Allemands, après sous les Anglais, les Américains. Et les gens se disent tous, il n'y a pas de comparaison. Les Allemands étaient beaucoup plus élégants et beaucoup moins violents et beaucoup plus cultivés, beaucoup plus humains que les Anglais ou les Américains. Donc, nous avons vécu des choses qui sont encore perceptibles. Alors, excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Donc, comment s'organise une société fasciste concrètement ? Ah non, s'organise pas concrètement une société fasciste, parce que justement la société fasciste, et puisqu'il n'y a pas de dogme, c'est pas un modèle économique, c'est pas non, c'est pas un modèle économique, c'est un modèle comment dirais-je existentiel et culturel. Donc évidemment la société fasciste, si vous voulez, prend à la fois l'intérêt collectif et la liberté personnelle. Donc il faut que les deux soient absolument gardés au même temps. L'école de la mystique fasciste, par exemple, insistait énormément sur le danger que la société comme entité collective est sur la liberté de l'homme. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui est entre la... exactement entre le libéralisme et le socialisme, entre les deux, en essayant de garantir les effets positifs de l'un et de l'autre, en essayant d'empêcher les effets négatifs. Après, les tentatives en laboratoire sont beaucoup. Disons qu'il y a une chose qui est importante, c'est un autre terme qui est utilisé de façon très négative, mais qui n'est pas du tout, c'est un des éléments du fascisme italien, mais qui était quand même, je crois qu'ils ont essayé de l'utiliser aussi au Portugal, c'est le corporatisme. Le corporatisme, on utilise le terme corporatiste parce qu'encore une fois, c'est le Parti communiste qui a gagné la guerre et donc la guerre de mots. Et quand on dit corporatiste, c'est-à-dire que chacun s'occupe de ses propres affaires et ses catégories, c'est pas du tout ça. Corporatiste, c'est que les corpos, donc les corporations, donc les différentes fonctions économiques et sociales, sont représentées dans une et soudées. Et qu'ensemble, dans une chambre de corporation, se trouve pour gérer l'économie du pays. Donc c'est exactement une alternative réelle, enfin peut-être qu'elle marche au moins dans les intentions, c'est non seulement une alternative réelle, mais pour l'instant c'est la seule alternative réelle que je connais au capitalisme. Et d'ailleurs, ceux qui nous... empêchent de penser en termes de corporation fonctionnent eux-mêmes en termes de corporation, puisque à l'intérieur de la franc-maçonnerie, il y a énormément de fraternels, justement par corps de métier. Ouais, bah c'est forcément. Et qu'en est-il du lien qui est fait en général, ça va pas vous étonner quand je vais vous dire ça, entre le fascisme et le racisme? Le fascisme est-il un racisme? Alors là, on revient encore sur un terme qui n'a aucun. Enfin, qui est utilisé comme n'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire racisme? Parce que on utilise racisme pour xénophobie, on utilise racisme pour haine de l'autre, on utilise racisme pour souvent pour mépris social, parce que souvent le racisme et la xénophobie c'est un mépris social, parce que normalement celui qui arrive est plus misérable. Bon. Et on utilise par racisme, par exemple, l'école WASP, donc, c'est-à-dire le Ku Klux Klan, c'est-à-dire la logique biologique protestante, ancien testamentaire, d'un peuple élu, si vous voulez. Et on l'utilise pas souvent quand on parle de peuple élu, quand il faudrait peut-être l'utiliser un peu plus. Mais après, on devient raciste. La fierté de race, ça veut dire être raciste. Alors, je vais faire un exemple. L'Italie a fait les lois raciales. Mais pourquoi a fait les lois raciales? Contrairement à ce qu'on croit. Elle a fait quand elle a formé l'Empire, quand elle a donné le droit de citoyenneté aux Libyens. Et il a fait les lois raciales parce que les femmes italiennes n'en pouvaient plus, parce que les Italiens prenaient tous la fuite avec les Africains parce que, excusez-moi le mot, mais ils cassaient moins les couilles. Ceci étant dit, donc c'était une question dans l'ensemble. Si on compare le colonialisme italien, par exemple, avec le colonialisme anglais, ou le colonialisme, c'est tout soufflant. Il y a un exemple. Tobruk a été repris 4 fois. Et les images qu'on voit, par exemple, sur le courant d'aviation, c'est que quand les Italiens étaient là et qu'ils travaillaient, les hangars étaient ouverts et les autochtones étaient à regarder ce qui se faisait. Et quand les Anglais étaient là, les hangars étaient fermés pour que les autochtones ne les regardent pas. Par contre, les Italiens étaient racistes et les Anglais n'étaient pas racistes. Les lois raciales étaient appliquées en Italie. Ceux qui ont gagné la guerre les ont abolis en 1964. Ils mettaient les gens, et sans compter que ce sont ceux qui ont exterminé un peuple entier. Puis bon, encore sur le racisme, après, évidemment, si on commence à raisonner selon la logique positiviste, qui sont logiques justement anglo-saxons, qui a été prise aussi par les Allemands, là aussi, chez les Allemands, le racisme est particulier, parce que le racisme allemand est un racisme déterminé aussi, surtout par des phénomènes d'émotions psychologiques, donc c'était anti-slave, c'était anti-juif, c'était anti-gitan. Mais c'était pas anti le reste. Par contre, par exemple, dans les écoles allemandes, à l'époque du national-socialisme, on étudiait la question de minorités africaines aux États-Unis. Et quand on écoute tous les ceux qui ont participé, les noirs africains qui ont participé aux Olympiades de 1936, ce qu'ils racontent, ils disent, Jesse Owens, il dit d'abord que c'est pas vrai qu'Hitler ne veut pas serrer la main. Et puis il dit, c'est le seul endroit où je me suis senti un homme et pas un négro. Et puis si on écoute aussi d'autres coureurs africains à l'époque, c'était pareil. Sans compter bon, l'alliance avec les Japonais, etc. Donc quand on utilise le mot racisme, on l'utilise souvent comme un élément qui bloque tout, qui cache tout. Mais en fait, je veux dire, si racisme c'est la haine de l'autre, c'est le fait de se sentir supérieur absolument, et détester et de mépriser tous les autres, je pense qu'il n'y a jamais eu une société autant raciste que l'actuelle, surtout en point de vue sexuel, parce que c'est une société anti-blanche, anti-virile, anti-tout, où vraiment il y a la haine et le mépris de tout ce qui est à une certaine forme. Mais monsieur Dinolfi, le fascisme est donc de gauche ou de droite? Le fascisme, déjà, avec toute la révolution nationale, on était l'œuvre de réactions populaires gérées par des gens tous venant de gauche, donc avec une autre mentalité, donc pas une mentalité réactionnaire. La réaction menée par les réactionnaires a toujours porté au désastre, même surtout quant à la Russie. Alors, on peut dire que le fascisme est de droite d'un point de vue culturel et spirituel, qu'il est de gauche d'un point de vue sociologique et guerrier, et qu'il est de centre d'un point de vue administratif. Je sais que vous avez participé, par exemple, à la constitution de Casa Pound, en référence à Ezra Pound. Enfin, quelle est la solution pour vous? Est-ce que c'est ça, par exemple, la constitution d'une alternative culturelle, assez finalement modeste? C'est pas la révolution. Non. Mais quelle est pour vous la solution? On en direct? Oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a des choses différentes selon l'échelle à laquelle on se pose. Il y a des choses auxquelles on peut espérer. Alors, on peut espérer vite une forte armée européenne, et on peut espérer vite qu'il y a un pôle méditerranéen qui n'existe pas encore en Europe pour pouvoir gérer un peu la situation sur la Méditerranée, et qu'on puisse avoir un ensemble de lignes politique, économique et stratégique qui nous permettent d'avoir une dynamique intéressante. Mais ça, malheureusement, ne dépend pas de nous. Ça dépend de l'évolution des classes dirigeantes. Par contre, ce que nous pouvons faire, ça fait autre chose, c'est d'abord faire une résistance culturelle, mais pas une résistance, parce que j'aime pas déjà le terme, non seulement historiquement parlant, mais parce que j'aime pas non plus les positions d'attente. Donc, je dirais une contre-offensive culturelle qui soit surtout basée sur la façon de vivre les choses, et en même temps, créer de contacts le plus en plus solides parmi les gens de différents pays, afin qu'on voit quels sont les intérêts communs et les différences. Mais j'insiste surtout sur la possibilité de créer autonomement de solutions, c'est-à-dire de créer, par exemple, des économies alternatives, pas dans le sens des ghettos. Je parle même économie alternative. Je parle à niveau de mairie, je parle à niveau de commune, je parle à niveau surtout de mettre ensemble, essayer de mettre ensemble de catégories, comme par exemple, je disais auparavant, l'hypothèse de créer une financière, par exemple, pour les PME ou plusieurs financières pour les PME ou plusieurs PME, de façon qu'ils puissent pour faire une attaque vis-à-vis du compromis européen d'un point de vue, par exemple, à la fois autonome et corporatiste. Et ce sont, par exemple, des hypothèses. Puis bon, je travaille là-dessus. Je travaille dessus, évidemment, ce sera pas moi qui trouvera la solution, je suis mythomane jusqu'à un certain point, mégalomane jusqu'à un certain point, ou tellement mégalomane que pour ne pas, que je ne pourrais pas accepter de l'être de façon trop mineure. Et donc, par exemple, nous sommes en train d'essayer de créer de petites chambres de commerce privées avec des pays africains en particulier pour relancer des logiques à la fois géopolitiques et à la fois économiques. Enfin, parce qu'il y a deux vides complets institutionnels qui sont là et qui, d'après moi, il faut les résoudre. On parlait du fascisme. Le fascisme a gagné sa bataille, non seulement parce qu'il a su battre physiquement l'adversaire sur place, mais pas que physiquement, dans la conquête de consensus pendant la guerre civile, qui a eu lieu en 1920, mais surtout le fascisme, il a fait, ce qu'on peut définir ce que le fascisme a fait, le fascisme a substitué l'État, où l'État n'était plus. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas, il ne faut pas substituer l'État dans le sens qu'il faut faire l'escouadriste et la marche sur Rome, mais puisque l'État n'est plus nulle part, on peut les substituer surtout sur ce qui concerne les possibilités de favoriser l'économie et le social. Et ça ne dépend quand même que de nous. Les possibilités existent. Je suis en train de travailler là-dessus. Et évidemment, je répète, c'est pas moi qui fais la révolution, mais bon, c'est plusieurs gouttes qui vont dans le même sens, souvent même sans le savoir, parce qu'il est le sens de l'histoire, parfois, ça peut changer la donne. Beaucoup d'Italiens, quand ils voient les scores que fait par exemple le Front National en France, les Italiens nationalistes arrivent en France et sont toujours très déçus de ne pas trouver en vérité un terreau si profond que ça. Quel regard portez-vous sur la situation d'une... En France ? Oui. Un terreau profond, en quel sens ? Des idées nationales. Oui, d'accord. Je ne sais pas, en fait, le Front National est une... comment dirais-je, une entreprise de concentration psychologique. Donc, il a une valeur importante parce qu'il est à la fois encore ghettisé, mais fort en même temps. Donc, il arrive à être l'expression de toutes les... des aspirants, voilà. Donc, l'Italie, c'est tout à fait différent parce qu'on n'a pas vécu la même chose. Et il ne faut pas oublier la chose plus importante que l'Italie, justement, tout le monde, toute la sans-boîte, y compris les non-fascistes, sont allés au gouvernement et ont démontré d'être pas capables. Donc, l'inspiration, l'ont déjà trahi. En France, souvent, je ne sais pas si le vrai problème, ce soit qu'il y a ou il n'y a pas le terreau, parce qu'en fait, moi, je crois que l'histoire, c'est une question toujours de... C'est une lutte entre plusieurs minorités. Donc, l'importance, c'est qu'il y ait une minorité qualifiée, vraiment. Alors, je ne sais pas si c'est le cas ou ce n'est pas le cas. Je pense que ce n'est pas le cas partout, parce que je pense que c'est quand même, ça répond un peu à la situation actuelle. C'est très difficile de l'avoir. Mais il ne faut pas penser d'avoir un parti formé par des cadres qui ont tous des qualités. Je pense que c'est que la, moi j'ai toujours dit que nous vivons dans la, l'époque du lobby, des lobbies, et la seule solution c'est de créer la lobby du peuple. Donc il faut qu'il y ait un lobby qui raisonne de manière complètement différente, d'un point de vue de valeur, d'un point de vue de relation, mais d'un point de vue technique, il faut des minorités agissantes. Il ne faut pas des majorités agissantes. Les majorités ont besoin de s'exciter. Par exemple, ce n'est pas la peine de dire bon, je ne fais pas de la politique en premier niveau, mais je n'irai pas à dire que j'aurais préféré que la Clinton gagne plutôt que Trump gagne, parce que pour nous, c'est pire. Les gens sont tellement contents qu'il faut. De toute façon, l'ère imaginaire est un imaginaire enfantin. Qui va bien, ça va très bien comme ça, donc c'est pas la peine trop non plus d'aller dans, disons, le décevoir. Peut-être un message à passer à nos auditeurs français d'égalité et réconciliation. Est-ce que vous avez espoir quand vous voyez des initiatives comme égalité et réconciliation, Casa Pound en Italie, d'autres mouvements en Europe? Est-ce que ça vous donne de l'espoir ou est-ce que... Oui, bah alors, ça fait longtemps que j'ai décidé que l'espoir ne fait pas partie de mes valeurs théologiques. Vous avez compris. Moi, j'ai la foi, ce qui est différent. Je me suis défini un pessimiste enthousiaste. Alors, ça me donne un enthousiasme, ça oui. Monsieur Adinolfi, merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci à vous. Xavier, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Chers auditeurs, cette émission est maintenant terminée. N'hésitez pas à la commenter sur le site d'Égalité et Réconciliation et à la partager sur les réseaux sociaux. Sachez que ce mercredi 30 novembre à 18h30 à Paris, à l'occasion de la sortie chez Contre-Culture de Kinsey, la face obscure de la révolution sexuelle, Judith Reisman, l'auteur du livre, donnera une conférence de presse. Tous les renseignements sur cet événement, organisé en partenariat avec Terre et Famille, se trouvent sur le site d'Égalité et Réconciliation. Les inscriptions se font à l'adresse mail terre-et-famille-tout-attaché@gmail.com. Chers auditeurs, merci de votre assiduité et de votre soutien toujours plus grand. Nous allons maintenant conclure cette émission en musique sur les notes de Stéphane Blais. Son album Figure Libre est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter Libertango de Piazzolla. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.